Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr. Il était pas mal pourtant ce vendredi 13 novembre. Les automobilistes avaient dû entendre à la radio qu'il s'agissait de la journée de la gentillesse. Un nombre incroyable d'entre eux s'arrêtait pour me laisser traverser la route. Je suis rentré chez moi fatigué, mais impatient, et un grand sourire aux lèvres parce que j'avais enfin rendez-vous avec Jessica Jones. J'ai regardé le pilote de la série, je suis allé faire une petite sieste, satisfait de la belle soirée qui commençait. En me réveillant, j'ai lu au hasard quelques pages d'Alias, parce que j'en avais envie après avoir vu le pilote de la série. Et le hasard m'a porté sur un épisode qui contenait une case à mourir de rire, sujet d'Iron Fist. Après avoir relu deux ou trois fois cette case incroyable, et après avoir beaucoup ri surtout, je me suis dit que je devais partager ça avec Clément, parce que c'est la première personne à qui je pense quand il s'agit de ce personnage, et encore plus avec une blague comme ça. Alors je prends mon téléphone pour prendre la case en photo, j'ouvre mon appli Twitter pour lui envoyer cette image, et là... Je suis Mathieu et vous allez écouter le 30e numéro du Mac de Comic Stories. Cette semaine, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Irish. Salut. Et Léo. Salut. Alors évidemment, on s'est posé la question, hein, légitimement, dans le week-end, puisqu'on enregistre aujourd'hui dimanche. On s'est demandé si oui ou non on allait enregistrer ou pas ces émissions de la semaine. Et puis bah, après tout, on va pas s'arrêter de vivre, ce serait leur donner raison. Évidemment, on va dédier cette émission à toutes les victimes, à tous leurs proches. On va renouveler nos pensées pour toute l'équipe d'Urban Comics qui a perdu une de ses collaboratrices au Bataclan, qui s'appelait Ariane, qui avait aussi travaillé à Paris Comics Expo en 2014. Personne qu'on avait croisé là-bas. Donc évidemment, on pense bien fort à toutes ces personnes. Ce week-end a été particulier. J'imagine que, comme moi et comme avant le 11 septembre, vous vous rappelez forcément de ce que vous avez fait avant de l'apprendre. Ah bah oui. Moi, c'est très simple, j'étais en conseil municipal, donc quand t'as des jeunes qui viennent te dire ça, tu te dis est-ce que c'est vrai? Et puis, bah, on est. Enfin, je pense que vous imaginez bien la réaction. Ouais, bah, moi, c'est. Moi, normalement, vu que j'avais mon vendredi après une semaine, une autre semaine, j'ai décidé de regarder toutes les séries mon vendredi. Et c'est un message d'un collègue. 23h20 qui me dit arrête tes séries, regarde, ça se passe en vrai. Donc je lui demande bah, qu'est-ce que tu veux dire par là. Et il me dit va sur iTélé. Et donc c'est là je vais sur iTélé et je constate. Et donc voilà, toute la nuit en train de regarder la télé, sidéré, de recevoir des messages de la famille, des proches pour savoir si je vais bien. Donc une grosse pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie. Et voilà, c'est juste que, comme t'as dit au début, on se laisse pas abattre et on continue à vivre. Léo, parisien aussi. Ouais, tout à fait. J'étais en bon fan de foot devant la télé pour voir le match. J'ai regardé, j'ai entendu, en plus je me souviens très bien des premières détonations qui ont retenti au Stade de France. Et je me suis dit, oula, il y a des pétards, il y a des trucs. Je me dis, bon bah... C'est un match de foot. Après tout, les explosions, c'est plus ou moins monnaie courante. Et là, dans la foulée, j'apprends en regardant en même temps mon téléphone qu'il se passe des trucs vraiment graves. Et donc, bon, j'avais ma sœur qui était dehors, et donc du coup, on l'a fait rappliquer tout de suite à la maison. Et ensuite, là, à la fin du match, le commentateur disait qu'il se passait des trucs tragiques. Ils ont commenté les 5 dernières minutes genre d'une voix blanche. Je me dis vraiment que quelque chose n'allait pas. Et là, tout d'un coup. Je constate les événements aussi dramatiques qu'on a pu voir. Et du coup, voilà, j'ai essayé d'organiser, enfin, j'ai beaucoup d'appels, pareil qu'Irish, hein, beaucoup d'appels, beaucoup de messages Facebook, beaucoup de SMS pour voir si tout le monde était en sécurité. On s'est beaucoup organisé, le tout jusqu'au lendemain matin, hein, d'ailleurs, pour le lendemain après-midi, pour voir un petit peu, pour s'assurer vraiment que tout le monde allait bien. Je suis quand même sorti, j'ai vu le Paris qui était limite presque vide, tellement c'était marquant, tellement l'ambiance était lourde, donc vraiment C'était l'atmosphère la plus particulière de ma vie et j'aurais préféré que le particularisme soit avec un côté un peu plus joyeux. Donc une énorme, énorme, énorme pensée aux victimes, enfin pour les victimes, pour les familles des victimes. Et ouais, continuons de vivre et continuons de nous battre, vraiment. Ouais. Et puis Arnaud, toi, parisien aussi, mais pas sur Paris. Ouais, ce soir-là, j'étais rentré chez mes parents en Picardie. Et bah, j'étais en train de rien de plus intéressant à faire que de regarder des DCI. Et je me souviens, j'étais en train de regarder Big Bang Theory. Je me disais, oh là là, ça tourne encore en rond, je m'ennuie, je rigole pas. Et puis, au plein milieu de l'épisode, c'est toi, Mathieu, qui m'envoie un SMS pour me dire qu'il se passe des trucs. Du coup, je mets en pause. Et je vais voir, je vais me renseigner sur Twitter, tout ça. Et j'ai pas remis l'épisode, j'ai pas ri du tout de la soirée. Et puis, bah, comme Léo, envoyer des SMS à tous les proches qui sont restés sur Paris pour savoir où ils sont, etc. Ça m'a fait penser, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps en mangeant avec des collègues, et j'ai eu un moment où on parlait de ce qui se passe dans le monde, et donc il lui disait que voilà, la France est en paix, et moi j'avais repris la citation de Ultron dans Age of Ultron, tu confonds le calme et la paix. Donc on apprend aujourd'hui que Irish cite Ultron. C'est beau, vraiment. Qui va nous permettre de passer à la suite. Évidemment, tout ça n'avait pas forcément à voir avec ce qu'on vous propose d'habitude, mais bon, voilà, vous aussi, j'imagine, au travail, etc. J'imagine que vous en avez beaucoup parlé lundi, mardi, et ben voilà, nous aussi, c'est la première fois qu'on se retrouve depuis ces événements, donc forcément, on en parle aussi entre nous. Pas mal de réactions des artistes, des auteurs comics, des acteurs, aussi sur internet très très rapidement. Il y en a une ou deux comme ça là qui vous ont marqué plus que les autres. Moi je retiens le dessin de Liber Bero avec Daredevil sur les toits de Paris. Ah oui. Ce qui est City Without Fear qui est incroyablement beau. Je retiendrai aussi Cara Delevingne qui va jouer Enchantress dans le prochain Suicide Squad qui a fait un tuari, mais elle a mis le drapeau néerlandais à la place du drapeau français. C'est comme Katie Lotz qui joue Sarah Lenz qui a mis une photo des rassemblements de janvier. Ouais, en disant que c'était Paris en ce moment. Ouais. Mais c'est l'intention qui compte. Hein. Oui, bien sûr. Cette magnifique, d'ailleurs sur Twitter, ça a été retweeté plusieurs fois sur Twitter, d'un journaliste du New York Times qui a décrit un peu de façon cliché le mode de vie des Français, et avec à la fin cette phrase magnifique, il n'y a personne personne ne sait vivre autant que les Français. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on passe quand même pour des porcs, des pervers, des alcooliques. mais voilà, c'est vrai que c'est un beau paragraphe. L'image de Vin Diesel tout en comment dire Ursitude. Non, tout en il est humble quoi. Il regarde la terre de loin. En forme de cœur. La terre qui forme un cœur, etc. Voilà. Donc beau, pas mal de jolis dessins. Je vous ai parlé de celui de Libermero, il y a aussi celui de Mike Kroom avec Astérix et Obélix à genoux devant la tour Eiffel, en train de se recueillir devant un bouquet de fleurs, avec qui défixe aussi les oreilles basses. C'est assez joli, donc voilà, pas mal de dessins comme ça, de témoignages. Et puis on a appris aujourd'hui, dimanche, que CBS avait décidé d'annuler l'épisode de Supergirl de demain, de lundi, ou d'hier, pour... On a trop souffert, c'est pour, ça. Pour qui, voilà. Alors voilà, non pas pour nous soulager, mais parce que la thématique de cet épisode était autour de Supergirl qui devait sauver sa ville de multiples explosions dues à des bombes, visiblement. Enfin voilà, il y avait la thématique sous-jacente du terrorisme qui était très présente dans cet épisode, donc ils ont annulé l'épisode et ils l'ont remplacé tout simplement par le suivant, celui qui était prévu la semaine prochaine, autour du passé, on va dire, de Supergirl. L'épisode s'appelle Livewire. Et puis, ils ont également annulé l'épisode de NCIS Los Angeles. La question que j'avais envie de vous poser, Est-ce qu'il fallait annuler cet épisode de Supergirl? Moi, je suis vachement dans le... Alors oui, effectivement, ça aurait pu être un peu indélicat, ça aurait pu avoir une certaine résonance, mais je suis quand même vachement partagé sur l'annulation de cet épisode, et je me dis... En mettant juste un message au début, expliquant que ça peut être difficile pour certains, puisque ça peut être lié à l'actualité. Après, à chacun de décider s'il a envie de le voir maintenant ou plus tard. Ça, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, c'est juste que, bon, des fois, je comprends pas vraiment ce genre de décision. Bon, enfin, si, je ne comprends pas. Si, je comprends tout à fait. Je comprends que, surtout pour les gens qui ont été touchés de voir ça en ce moment, mais, en fait, je ne sais même pas quoi dire au final. Comme tu dis, Arnaud, c'est, voilà, celui qui a envie de voir, de regarder, regarde, et celui qui se sent pas, qui est encore un peu trop touché, ne regarde pas. En fait, voilà, c'est ce qui me fait poser la question. Je sais pas hein, si c'est bien de l'annuler ou pas, je n'arrive pas à me le dire, mais le fait de l'annuler, quelque part, de se censurer parce que ça aborde ce thème-là, ça contribue aussi à les faire gagner, quoi. Ouais. Apparemment, ABC aussi, dans l'épisode de Quantico de ce soir, ça parle aussi de ça. De toute façon, toute la série parle de terrorisme. Bah, oui. Et apparemment, ils annulent pas eux. Homeland, le terrorisme. Oui, mais alors là, Homeland, faire des séries sur le terrorisme. Bon, de toute façon, c'est un débat qu'on a connu en 2001. C'est ce qu'on a déjà connu, ça, en 2001, après le 11 septembre, notamment concernant Spider-Man. Alors, on a vu très vite l'épisode, une semaine après, un superbe épisode d'hommage qui avait été dessiné à la volée, comme ça, qui était incroyablement beau et touchant. Spider-Man, il y avait une photo avec où il était, je pense, entre les deux tours, sur l'affiche même, qui avait été changée, ou même des scènes qui avaient été enlevées à cause de ça. C'est un éternel débat, voilà. Il y en a qui sont choqués, et d'autres qui sont pas choqués, mais pour préserver les sensibilités. Après, l'intention, je la comprends, hein. Enfin, c'est une bonne intention, hein. C'est plus pour s'éviter des problèmes ou autres, et puis par respect aussi pour les victimes, voilà. Voilà. Et voilà, on peut toujours se poser la question, et comme tu dis, Irish, ça sera un éternel débat. Dans le doute, de toute façon, toujours mieux que ça se passe pas, quoi. Donc après, est-ce qu'on aura un jour cet épisode? Parce qu'on a souvenir hein, d'épisodes comme ça qui avaient été reportés, entre guillemets, suite à des événements. On pense à des tueries, des fusillades aux États-Unis, comme on en a régulièrement. On les a jamais eu, ces épisodes, après, par la suite. Si, avec l'étranger. Donc peut-être dans les sorties DVD ou voilà dans les diffusions quand ça sera en France, etc. Par exemple, Hannibal avait été, quand il y a eu les attentats de Boston, NBC avait supprimé l'épisode d'Hannibal, et on avait une version japonaise, je crois, ou je sais plus quoi. Mm-hmm. Après là, comme c'est pas l'épisode qui est carrément supprimé, un autre qui est mis à la place, peut-être qu'à l'étranger, ils vont aussi devoir diffuser l'épisode de la semaine prochaine. Peut-être. Donc du coup, ça pose un peu aussi la question de la connexion qui peut avoir. De la continuité, ouais. Voilà, bon, s'il l'enlève, c'est que qui doit être au moins très important. En même temps, dans l'épisode, c'est Kara qui fait la babysitter avec le fils de Kat. J'ai envie de dire, on n'a pas perdu grand-chose, je pense. Bon, d'ailleurs, on en parlera sur nos écrans tout à l'heure. C'est ça. Allez, on va tourner la page et continuer comme avant et vous parler du reste de l'actu comics. Une actu qui est hyper maigre cette semaine parce que l'actu s'est cantonnée simplement de lundi à vendredi. Samedi, dimanche, il n'y a absolument eu aucune news ou presque, que ce soit sur la France évidemment, mais même sur l'international, il y a presque rien eu qui est sorti. Espèce de monde qui s'est arrêté de sortir des news. Et puis sur ce qu'on a vu sur le début de la semaine, il n'y avait pas grand chose, on va pas se le cacher. Donc du coup, on a une dizaine de news pour faire la fin de ce mag. Et on va commencer avec toi, Arnaud, et tu vas nous annoncer la première des dates qu'on a appris cette semaine. Oui, alors c'est plus une confirmation, puisque la Fox l'avait déjà moitié annoncé, mais bon. La communication américaine, on en reparlera peut-être un jour. C'est la Fox qui a annoncé la date de diffusion de Lucifer. Et donc, comme annoncé précédemment, ce sera avec X-Files. Et comme on connaît la date de diffusion de X-Files depuis 2 mois, on pouvait se douter de la date de Lucifer. Et maintenant, c'est confirmé. Ce sera le lundi 25 janvier sur Fox. Voilà. On l'a pas du tout depuis juillet, cet épisode. Ah oui. Non, mais la date. Oui, bien sûr date, que non. Mais la date, on l'avait déjà, il me semble, dans TV Showtime. Non, ils avaient pas annoncé la date officiellement. Après, ils auraient pu commencer à partir de début février, après X-Files. D'accord, ok. Donc le 25 janvier, diffusion officielle du pilote, et puis bah pour les autres, la série commence la semaine suivante. Irish, attends, on va peut-être passer, on va continuer dans l'annonce des dates, Léo. Ouais, on a donc... Tu parles de Gotham. Pourquoi je pose... attends, tu... what did you expect, comme disait l'autre. Donc ce serait pour... par rapport à Gotham, dont la pause hivernale a été confirmée au 30 novembre. Série qui reviendra ensuite, donc après la fin de X-Files, donc le 29 février, en même temps que Lucifer. Donc quand même, Gotham va se taper une pause de 3 mois. 4 mois. Mon plus grand malheur et pour le plus grand bonheur d'Arnaud. Ah non, pas que d'Arnaud. Hein. Et d'Irish, oui, c'est vrai. Ouais. Donc voilà. C'est une sacrée pause. Grosse priorité est donnée à X-Files. Quoi. C'est, ouais. Ça paraît pas très très étonnant malgré quand même, parce que bon, ça reste quand même le revival d'une série culte. Tom, si tu nous entends. Après, c'est une bonne idée, je trouve, parce que justement l'année dernière, ils avaient fait plein de petites pauses, genre un épisode, 2 semaines de pause, 2 épisodes, 3 semaines de pause. C'était un peu. D'ailleurs. Tard, et là, ils l'avaient annoncé déjà avant. Ils avaient dit, on fait 11 épisodes avec pas trop de pause. Ensuite, on fait une longue pause. Ensuite, on revient avec 11 nouveaux épisodes sans vraiment faire de pause. Mais jusque-là, oui, il n'y aura pas eu de pause. Ils avaient dit, ils veulent en faire le moins possible. Oui, bah, d'ailleurs, par contre, pas Gotham, mais sur d'autres séries telles que Agents of S.H.I.E.L.D. et Flash, il y aura un épisode cette semaine et ensuite il y a un break de 2 semaines. Enfin, l'épisode. Thanksgiving. Oui, il y a Thanksgiving qui va passer par là, donc. Ah voilà. C'est pour éviter ce genre de pause de 2 semaines entre 2 épisodes, qu'ils ont préféré faire une très longue pause de 3 mois. Donc ils s'arrêteront donc Gotham le 30 novembre, juste après le week-end de Thanksgiving, qui sera le dernier week-end. Pause de 3 mois, voilà. Alors, moi je vous cache pas, hein, ça m'arrange, hein, puisque pour faire le planning des bilans de mi-saison, ça nous évitera de faire du remplissage en décembre. On pourra commencer très rapidement avec Gotham et faire le bilan de mi-saison de Gotham sans attendre. Donc, c'est cool, merci la Fox. Allez, Irish, du coup, à toi pour une annonce casting qu'on attendait depuis. Ouais. Donc c'est Jeffrey Dean Morgan, le sosie officiel de Javier Bardem. Vous avez dû tous le remarquer. Donc qui devrait jouer Negan, le méchant à la batte, dans la prochaine saison dans le final de la saison 6 de The Walking Dead. Jeffrey Dean Morgan, dans le milieu des comics, il est surtout connu pour avoir joué le comédien dans l'excellent Watchmen. Mm-hmm. De Zack Snyder. Et bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aime bien la gueule avec la mâchoire carrée. C'est un acteur avec une gueule, et c'est vrai que Negan a aussi un style marquant dans les comics. On voit, c'est une tête qu'on retient aussi bien que celle du gouverneur dans les comics. Donc, ça peut être très très charismatique. Voilà. Et c'est un excellent acteur. Bah oui, c'est bien ça qui m'étonne. Ça changera un petit peu du reste. C'est ça qui m'étonne, par rapport. c'est vrai. Souvenir qu'il soit habitué aux séries TV, c'est pas... Il a fait des séries TV souvent, Les Anatomies, Supernatural... Denis Duquette, quand même. The Good Wife... Oui, non, il a fait quand même pas mal d'apparitions des séries TV. Irish toujours, avec une histoire de trailer. Tout le monde se bouscule pour mettre son trailer en décembre, visiblement. Oui, donc apparemment, je ne sais pas si au final, en tout cas, ça va faire de l'attente avant le début du film. On va s'en manger des pubs trailers pour Star Wars, puisque après Civil War, qui a déjà été annoncé, on a également un nouveau trailer pour celui de Deadpool, qui devrait arriver juste avant, au moment de la sortie de Star Wars. Savoir qu'on a déjà eu un premier trailer, deux trailers même, on peut dire. Il y avait un trailer moins sanglant et moins violent. Comment il l'avait appelé déjà, c'était Red... Ben, c'est le Red Band, en général. Ouais, voilà. Ouais, oui, voilà. C'est la version censurée. Ouais, voilà. Il y en avait eu droit à deux versions, une version censurée et une autre version non censurée. Ben, là, on aura un autre trailer qui devrait sortir donc en décembre, au moment de la sortie de Star Wars. Alors, avec et Star Wars. Et également X-Men Apocalypse. J'ai failli l'oublier, celui-là. Donc voilà. Donc X-Men Apocalypse, c'est sûr, ça sera attaché à Star Wars. Deadpool, on n'est pas encore sûr. Du coup, on aura bien le logo de la Fox avant le film Star Wars. C'est peut-être pour les négociations pour parce qu'on était quand même quatre fantastiques. On était tous habitués à voir cette 20th Century Fox avant tous les épisodes de Star Wars, machin, qu'on n'aura plus là, qu'on n'aura pas pour l'épisode 7. Ben, ah ouais. Oh non. Disney, mon gars, donc tu les verras pas, les petits projecteurs avec la fanfare et tout ça. Donc t'auras au moins le logo, dans un trailer avant le film, voilà. Si on a le château de Disney, si, bah tu vas avoir le château. Si, bien sûr. T'as pas vu sur le premier trailer qu'ils ont sorti, on le voyait. Ah, j'avais pas capté. Si, t'auras un château. C'est vrai que ça va casser le truc. Hein. Ils l'ont un petit peu modifié pour faire un peu planète extraterrestre. Ah non. Il y a un certain sentiment de, comment dire, de sang-su, là, un peu tu vas chercher Mickey sur Tatooine. Oui, c'est ça. Non, mais oui, de toute façon, il y aura Mickey autour de Tatooine. De toute façon, en même temps, il suffit de regarder les lens flares et puis on aura, hop, les oreilles. Oui, donc du coup, voilà, on aura bien le château et puis, je sais pas, à la place de la petite étoile qui passe au-dessus, on aura un X-Wing, non? Peut-être. Ah, parle pas de malheur. Allez. Non, j'allais dire, on aurait le logo de Marvel, mais non. Bah non. Non, c'est pas compliqué. Mais non, c'est pas pour le trailer de Deadpool, oui, mais sinon. Ouais. On reste sur Star Wars et on va revenir dans la joie et l'allégresse, Irish. Ouais, donc Daniel Fetchwood, le fan de Star Wars qui était en phase terminale d'un cancer et qui avait eu l'opportunité de voir le film, qui était un de ses souhaits, il a pu voir le film et donc 5 jours après le visionnage du film, il est décédé. Donc il a eu la chance de réaliser son rêve. Donc, réaliser son rêve, mais de réaliser un vœu cher avant de partir. Avant de partir, il a vu effectivement cet épisode 7. Alors, on est d'accord, il y a toujours une partie cynique en nous qui pense, et a raison certainement, que c'est un joli coup de com' aussi de la part de Disney et Abrams et compagnie. Donc ça sert la bonne cause. Mais c'est beau quand même. C'est super pour lui. Il l'avait déjà fait pour Star Trek, Abrams. Oui. Ouais. Oui. On va rester dans l'univers Star Wars, Léo... Et avec Han Solo. Le spin-off donc sur Han Solo qui a été annoncé en juillet avec à la réalisation le duo Phil Lord Chris Miller, donc qu'on aura seulement donc le 25 mai 2018 voit arriver au scénario Lawrence Kasdan, le scénariste ni plus ni moins des épisodes 5 et 6 et bientôt de l'épisode 7. Puisqu'il est venu en renfort de J.J. Abrams sur donc, The Force Awakens. Donc pourquoi pas, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle que qu'il revienne pour les scripts, surtout que derrière Phil Lord, Chris Miller pour Han Solo, c'était déjà pas mal. On peut que s'en réjouir, mais on s'en réjouira encore mieux quand on aura vu ce que donnera le scénario de Star Wars 7, parce que Lawrence Kasdan... les épisodes 5 et 6, ils ont quand même une trentaine d'années, donc on verra s'il a gardé sa patte au cours des années. Voilà, on espère qu'il ne se les cassera pas les dents. ce sera le dernier film qu'il écrira pour la franchise. Ouais. Et peut-être même le dernier film qu'il écrira tout court, parce que bon, il a souligné, c'est un monsieur quand même d'un certain âge déjà. Ah bah là, oui, bah, il va avoir peut-être que c'est une manière de raccrocher, voilà, de terminer sa carrière avec Star Wars. Il pourra se retirer en paix. Oh, il a 66 ans là maintenant, Lawrence Kasdan. C'est pas canonique, mais d'ici là, ça le sera un peu, ouais. Donc voilà, c'est peut-être aussi, voilà, il va quitter la franchise et peut-être aussi l'initier avec Han Solo, voilà, qui est un personnage qu'il a bien mis en avant les épisodes 5 et 6 dans les scénarios. Donc voilà, une sorte de boucler la boucle. Voilà. On va parler de comics papier, de comics VF. Aucune news en VO cette semaine. C'était un silence total. Clément, Panini nous a annoncé des choses en février, et forcément, ouais. Qui dit février, qui dit Panini, bah dit Deadpool. Bah oui, forcément. Donc Panini a annoncé en février l'application de Deadpool Massacre Deadpool, Et en mars, c'est Return of the Living Deadpool, donc ça va prendre la suite de Deadpool, la nuit des morts. Après Night of the Living Deadpool, on a Return of the Living Deadpool, logique. Voilà, bah il y a un film en février. Voilà. Bien plaisir. Donc voilà, Deadpool Massacre Deadpool, c'était déjà sorti en kiosque pour 5,60€. Et ben là, si vous le voulez en librairie, hardcover, machin, ces éditions sont assez chouettes, hein, Marvel Dark, 13€. Et puis Arnaud, deux autres annonces, toujours de Panini, toujours en février, mais du côté des kiosques cette fois, et bien encore du Deadpool. Oui, du Deadpool, puisque le film sort en février, et puis Thanos, puisqu'on en parle beaucoup dans la MCU aussi. Et donc dans le Marvel Universe hors série, on aura Deadpool versus Thanos, donc en février. Et en, ce mois-ci, on aura aussi le Marvel Universe Inhuman Error, qui est un crossover dans trois séries, dans Inhumans, Amazing Spider-Man et Captain America. Voilà. Donc voilà, des petits kiosques, en plus déjà de ceux consacrés à Secret Wars, hein, puisqu'on sera en plein Secret Wars, ce sera le deuxième mois. Donc on aura des petits hors-séries quand même. Alors du coup c'est bizarre parce que il y a plus aucun magazine qui sort, mais on sort quand même des hors-séries des anciens magazines. Ouais, vous avez pu les sortir avant. Bah Deadpool versus Thanos non parce que. Bah oui, ils veulent sortir avec le film mais. Bah ouais, puis c'est en train de sortir en démo aussi, donc c'est pas fini quoi. Ils sont obligés d'attendre pour le sortir pour le coup. Donc ils vont le sortir déjà assez vite par rapport à la sortie VO je trouve. Donc voilà. Ah voilà, une petite semaine hein. Niveau ouais. News, niveau mag, voilà, pas de questions de la semaine, on n'en avait pas posté sur le site. Pas de fun facts non plus, vu la pauvre richesse de l'actualité comics, et puis voilà, on a fait tout un long sujet au début, donc on va boucler les rubriques habituelles pour cette semaine. On se retrouvera évidemment mardi pour un mag numéro 31 normal, avec plein de news, tout ça, la question de la semaine sera de retour, le fun facts aussi. Jeudi, on se retrouve pour le 30e numéro de Sur nos écrans, qui sera consacré au bloc CW Flash Arrow. Il nous manquera plus qu'à les zombies qui arrivera la semaine suivante, je crois, pour le 31. Avec les zombies. Eh ouais, un bloc zombie, donc. On ferait presque les choses bien, quand même. Et pas de Heroes Reborn, encore? Ben non, bizarrement, ça arrive. Ça, je crois que ça arrive en novembre, je sais même pas si on a un. Il y a Jessica Jones qui a pris la place. Ouais, il y a Jessica Jones qui a pris la place, c'est vrai. Et justement, cette semaine, ce sera le dernier épisode de Heroes Reborn avant la pause hivernale pour eux jusque début janvier. Et ben regarde, un deuxième pilon à faire en décembre. T'as vu les choses, impeccable. Ils ont pensé à toi. Ah, je pensais que c'était la fin de saison carrément. Non. Ah non, il restera les trois derniers épisodes, genre prévus pour janvier, aux petits oignons et tout. Enfin, en tout cas, j'espère. Et puis dimanche, on va vous parler d'amour. Ça fera du bien. On vous diffusera le Comic Stories Present de ce dimanche, là, qu'on n'a pas diffusé du coup, qui sera Comic Stories Present The Infinite Loop. Donc, on vous parlera d'amour, de tolérance et de plein de belles choses finalement. Ça nous fera le plus grand bien. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne lecture et bonne série. Salut à tous. Salut.